cloche vient de sonner, la fin de la journée. Pour la dernière fois, elle va se reposer. Elle vient d'annoncer les vacances d'été. On va enfin ranger les livres et les cahiers. Les rires et les cris descendent de l'allée. On court vers la sortie pour être le premier. Les bons copains s'embrassent, ils changeront de classe. Au revoir Émilie, Simon et Magali. Et dans la cour au milieu, le grand marronnier fait un vœu. Que les rêves soient réalité pour tous ces petits protégés. L'école n'a pas de chance, elle ne part pas en vacances. L'école n'a pas de chance, elle ne part pas en vacances. L'école n'a pas de chance, elle ne part pas en vacances. L'école n'a pas de chance, elle ne part pas en vacances. Dans les classes des bureaux sont à peine refermés. Des mots sur un tableau à moitié effacé. Dans la cour, un ballon a été oublié, sûrement par un garçon pressé de s'en aller. Juste après le tumulte, le calme est revenu. Les dernières mamans attendent dans la rue. Les derniers tours de clé enferment le marronnier. Et les secrets du temps au passage des enfants. Seul dans la cour au milieu, ce grand marronnier pleure un peu. Qui va aller s'y abriter? Quand viendra l'heure de la retraite? De la retraite. L'école n'a pas de chance, elle ne part pas en vacances. L'école n'a pas de chance, elle ne part pas en vacances. L'école n'a pas de chance, elle ne part pas en vacances. L'école n'a pas de chance, elle ne part pas en vacances. C'est la fin de l'année, l'école est terminée. On n'entend plus de bruit, les enfants sont partis. Les portes vont fermer pour les deux mois d'été, attendant patiemment le jour de la rentrée. L'école n'a pas de chance, elle ne part pas en vacances. L'école n'a pas de chance, elle ne part pas en vacances.